Chapitre 8e. Une semaine s'est écoulée dans cette intimité devenue de jour en jour plus étroite et plus douce. L'imminence d'un péril mortel couru en commun a incité aux confidences, comblé les distances, rapproché les âmes. Tous ces gens d'origine si différentes, qui ont failli périr ensemble, et de quelle atroce façon, semblent ne plus former qu'une grande famille. L'ordre reparaît dans la hacienda, qui avec une rapidité prodigieuse renaît de ses cendres. Mr. Harry Jones a tenu parole. L'argent promis est arrivé, et avec lui une petite armée de travailleurs qui se ruent à l'ouvrage avec un entrain superbe. Il est vrai que le jeune homme va largement à l'américaine. Aussi son énergie, son sens pratique et ses dollars opèrent des merveilles. Entre-temps, il se montre empressé près de Juana, qui l'accueille avec sympathie, et lui témoigne une affection toute fraternelle. Et Don Blas, qui se méprend sur la nature des sentiments éprouvés par sa fille, entrevoit déjà la possibilité d'un mariage avec le jeune Américain. D'autre part, la Sendero n'est pas sans remarquer les assiduités de Jean de Fer près de Juana. Mais là encore, il méconnaît la nature de leur mutuelle et irrésistible affection. Il ne comprend pas le caractère du jeune homme. Il ne veut pas, il ne peut pas voir en lui quelqu'un de sa race, un égal. En somme, il considère Jean de Fer comme un brave garçon, auquel, certes, il doit beaucoup, mais aussi un inférieur, et dans la meilleure acception du mot, un simple aventurier. Aussi est-il à 100 lieues de supposer que sa fille puisse éprouver pour lui un autre sentiment que celui d'une cordiale camaraderie. Et il y a là, de la part de ce chef de famille orgueilleux jusqu'à la démence, autoritaire jusqu'à la tyrannie, une méprise qui doit fatalement aboutir à une catastrophe. Andrés a disparu. Malgré d'actives recherches, on a pu savoir ce qu'il est devenu. On ne l'a pas retrouvé parmi les morts, et la certitude qu'un aussi formidable ennemi est vivant n'est pas sans causer de cruelles alarmes. D'autre part, la blessure de Jean est guérie, et les Indiens élan rapide et fleurs de soleil vont beaucoup mieux. Tous les Yankees, ainsi que Don Blas et sa femme, manifestent d'ailleurs au Port-Rouge et à sa fille le plus profond mépris, la plus franche animadversion. Nul parmi eux ne peut s'expliquer cet engouement de Juana pour la petite Indienne, qui semble lui rendre affection pour affection et lui témoigne la plus vive reconnaissance. Harry Jones, en bon Américain égalitaire, a l'horreur du nègre et des Indiens. Aussi répète-t-il volontiers « Miss Juana, vous perdez votre temps et vous gâchez votre sympathie. Ces Indiens, voyez-vous, sont des monstres de fourberie et de férocité. On n'apprivoise pas un serpent sonnette. Il vous mord tôt ou tard, et sa morsure est toujours mortelle. Puissiez-vous n'avoir jamais à vous repentir de vos soins et de votre bonté ?» Juana sourit, ne répond pas, et continue à passer près de sa chère fleur de sol, en compagnie de Jean et de Joey. Des heures d'intimité délicieuse. La catastrophe qu'il ne pouvait prévoir éclata comme un coup de tonnerre et les éveilla de ce rêve. Un matin, Juana, très pâle et les yeux pleins de larmes, accourt vers Jean. Celui-ci pressent un malheur et s'écrie « Grand Dieu, Seigneurita, qu'y a-t-il? Vous m'effrayez. » « Mon ami, » lui répond-elle en sanglotant, « Mr. Jones a demandé ma main à mon père. » Jean tressaille comme s'il recevait une balle en plein cœur et dit d'une voix mourante « Ah, votre main !» D'un puissant effort, il surmonte cette défaillance et reprend « Vous, Seigneurita, la femme de cet étranger ? Mais votre père, que voulez-vous ? Il est ravi !» Je l'entendais à peine, comme s'il me parlait de très loin. « Oui, ma fille, le plus beau parti de toute l'Amérique, une fortune colossale, une des royautés de l'argent. Vous aurez tout ce qu'une créature humaine peut désirer. Du reste, Mr. Jones est fort bien de sa personne, et il vous aime passionnément. » « Et vous acceptez, n'est-ce pas ?»« Moi, j'ai été consterné. Est-ce que je pense à Mr. Jones ?»« Ah, Seigneurita, vous me rendez la vie !» s'écrie Jean qui seulement alors comprend l'étendue de son amour. Jusqu'à présent, ces deux grands enfants ont éprouvé la joie de vivre côte à côte, d'échanger d'intimes pensées, d'aimer ensemble ce qui est beau et généreux, d'éprouver les mêmes émotions devant les mêmes aspects, d'admirer les mêmes choses et de sentir de jour en jour combien sont pareilles leurs âmes enthousiastes et dévouées. Mais ils ne se sont jamais parlé d'amour. L'affreuse pensée d'être pour toujours séparés, la souffrance aiguë ressentie à la seule idée qu'ils pourraient ne plus se voir, leur a révélé l'état de leur cœur. Ils se regardent tristement, ne trouvant pas un mot à se dire, comprenant combien est parfois douloureuse cette chose qu'ils ont à peine entrevue, la vie. Mais Jean, homme de résolution, ne s'attarde pas à des regrets stériles. Un obstacle se dresse devant lui. Selon son habitude, il va l'aborder de front. Rompant enfin ce silence douloureux, il dit à la jeune fille, d'un accent à la fois énergique et respectueux, « Señorita, j'aurais voulu pendant des mois, pendant des années, vous servir à deux genoux et vous témoigner à chaque minute le dévouement dont mon cœur déborde. Oh, restez toujours l'ami discret et fidèle dont vous êtes l'unique pensée. Prévenir vos désirs, vous entourer d'une tendresse ingénieuse et forte, j'avais osé faire ce rêve. Et moi aussi, Jean, ami si cher, qu'êtes entré dans ma vie, au moment terrible, dont le souvenir fait encore passer sur moi le frisson glacé de la mort. Merci, merci pour ces douces paroles qui me donnent l'espoir et la force. Señorita, le temps presse, je le sens. Voulez-vous me permettre d'aller sans retard, trouver Don Blas et de lui demander moi aussi votre main ? Le teint si délicat et si pur de la jeune fille se teinte légèrement de rose. Elle contemple son ami avec une tendresse infinie et lui répond d'une voix ferme. « Oui, Jean. Et souvenez-vous, quoi qu'il advienne, que je ne serai jamais un autre qu'à vous. » Et sans laisser au jeune homme le temps d'ajouter un mot, d'affirmer ses sentiments intimes qu'elle connaît à présent, elle s'enfuit, en proie à un trouble délicieux. Don Blas est seul dans l'ancien salon. Il marche de long en large en fumant une cigarette, regardant les glaces étoilées par les balles, les tentures arrachées, les meubles mutilés et songeant. Fini, ce cauchemar. Conjuré, la ruine. L'avenir est à nous. Ma fille va être la femme d'un milliardaire. Je serai plus puissant que le président lui-même. Je pourrai prétendre à tout. Il perçoit un bruit d'éperon, lève la tête et voit entrer Jean qui s'incline avec respect. Tiens, c'est Jean de Fer. Qu'a-t-il pour votre service, mon cher garçon ? Le jeune homme répond gravement. J'ai l'honneur, Don Blas, de vous prier de m'accorder un entretien particulier. Bien volontiers. Nous sommes seuls, je n'attends personne. Parlez. Jean se recueille un moment et dit d'une voix lente qu'agite un léger tremblement. Seigneur Don Blas, je suis pauvre. Je ne possède au monde que mes armes et mon cheval. Mais je me sens de force à conquérir un monde. Se méprenant au motif de cette déclaration, Don Blas l'interrompt et lui dit Je serais très heureux de vous venir en aide. Seigneur Don Blas, je ne demande pas l'aumône. Et permettez-moi d'ajouter ceci, je ne suis pas du reste l'enfant du hasard que je parais être. Mes souvenirs sont absolument nets et précis en ce qui concerne mes parents, mon origine. Je suis issu d'une famille française des plus honorables. Je n'ai pour moi que mon nom, mais il est digne de la plus haute estime. Je vous crois sur parole, mon garçon. Mais en quoi cela peut-il m'intéresser, personnellement ? Voilà, réplique Jean avec fermeté. J'éprouve pour votre fille Doña Juana la plus vive, la plus respectueuse tendresse, et je viens vous prier de m'accorder sa main. Ces paroles éclatent comme des coups de carabine aux oreilles de l'orgueilleux Asandero. Il tressaille, demeure interdit, pince les lèvres, et répond enfin d'une voix ironique. Je ne m'attendais pas à l'honneur d'une telle demande. Pardonnez-moi si je montre quelque étonnement. Mais d'abord, vous ne trouverez point indiscret si je désire savoir qui vous êtes en réalité. Mon père était un officier français au service de l'empereur Maximilien. Il s'appelait Antoine Valdès. À ce nom, une émotion étrange s'empare de Don Blas. Sa figure se contracte, ses yeux s'injectent, il trépigne de fureur. Il fait de la main un geste violent et s'écrie d'une voix saccadée. « Valdès ? Vous dites Antoine Valdès ? Oui. J'aurais pu donner ma fille un malheureux sans sou ni maille et sans nom. Mais elle ne sera jamais au nom, jamais, au fils du traître, du Judas qui vendit son maître. Don Blas, prenez garde. Je crierai quand même l'affreuse vérité. Le complice de Lopez, l'homme qui vendit à Juarez l'empereur Maximilien, s'appelait Antoine Valdès. » À ces atroces paroles, un cri de fureur, Un hurlement de bête mutilée jaillit de la gorge de Jean. Un éclair de férocité surgit dans ses yeux. Un vent de folie le pousse à se ruer sur l'homme qui vient de blasphémer sa piété filiale et à le broyer sur place. Un formidable effort de volonté le cloue, pour ainsi dire, au sol, éteint la flamme de son regard et fait retomber son bras levé. Tout pâle, frémissant de la tête aux pieds, il reprend sourdement, lâchant ces mots. Un autre que vous, qui aurait proféré ces paroles sacrilèges, serait mort de ma main. Si vous vivez, remerciez-en l'ange que j'aime et que j'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Don Blas, mon père, fut un homme d'honneur, injuste, indignement calomnié, et je vous prouverai son innocence. Alors, sans un salut, sans un regard à la scène des héros interdits, il s'enfuit, craignant de ne pouvoir se contenir plus longtemps. Arrivé dans le gros vestibule, il s'écrie d'une voix qui met toute l'habitation en rumeur « Joey, Joey, à cheval, mille tonnerres, à cheval !»« Me voilà, mon frère, » dit le métis, assis près des Indiens. « Partons, vite, partons !»« Quittons cette maison maudite, viens, je tuerai quelqu'un !» Il descend en deux bonds le perron, court aux écuries, célébrit dans un tour de main Bob, son bon cheval. Joey, sans hésiter, sans demander, jette un adieu rapide à la fleur de sol, à son père l'élan, harnache le cheval qu'il a conquis sur les Indiens et lui saute sur le dos. Jean est déjà en selle. Il rend la main à Bob qui part au triple galop avec son hennissement sauvage. Le cheval de Joey s'élance en même temps. Il contourne l'habitation pour enfiler la grande avenue où Jean arracha la jeune fille aux mains d'Andresse. Jean de Fer lève la tête. Au premier étage, il aperçut Juana qui lui apparaît un moment dans une radieuse vision de tendresse et d'espoir. Elle tient à la main une fleur. Au moment où les deux cavaliers passent comme un tourbillon, elle porte la fleur à ses lèvres et la laisse tomber en murmurant « Mon Dieu, protégez-le, ramenez-le, car il emporte mon âme. » Jean saisit la fleur au vol, se retourne et s'écrie « Au revoir, señorita, ils verront si je suis digne de vous. » Deux jours après, la jeune fille, désolée du départ de son amie, constatait avec un nouveau chagrin la disparition d'Élan Rapide et de Fleur de Soleil, enfuie au milieu de la nuit. Elle s'était attachée à la petite indienne, et cette désertion l'afflige d'autant plus que Don Blas ne lui épargne pas les railleries. De Jean, pas un mot, soit que Don Blas soupçonne une partie de la vérité, soit plutôt qu'il juge l'homme de trop piètre importance pour daigner parler de lui. Dès lors, la jeune fille, horriblement isolée, se replie sur elle-même, vit avec ses chers souvenirs et attend, confiante, l'avenir. Après deux longues étapes et deux nuits passées en plein air, avec la selle pour oreiller et le zarap pour couverture, Jean et Joey arrivent à Rojalito. « Ainsi, c'est là que demeure ta mère ?» dit Jean à son ami. « Oui, et comme tu le sais, je ne l'ai pas vue depuis 6 ans. Rojalito. Cela s'appelle Rojalito. » Un nom qui ne me dit rien. Je ne suis jamais venu ici, et pourtant il me semble que j'ai déjà vu cela. Bon, fait avec insouciance Joey, tous ces villages indigènes se ressemblent, avec leurs tecos de palmas, leurs vergers, leurs treilles de vanille, leurs champs où poussent le maïs, les piments, les courges, les patates. Une large rue ombragée de manguiers s'ouvre devant eux. À l'extrémité se dresse la petite église en adobe, en briques séchées, avec sa large façade et son campanario trapu où tinte une cloche. « Je te l'assure, je connais ce pays, » reprend Jean. « Tiens, j'irai les yeux fermés à une petite maison basse, construite non pas en bois, mais aussi en adobe, comme l'église. Elle est un peu en arrière de la rue, au coin d'une place. Elle est entourée d'une muraille, et il y a au fond de l'enclos un puits avec sa noria. Tu dois te rappeler cela, n'est-ce pas ? D'autant mieux que nul mieux que moi ne connaît cette maison. » répond Joey stupéfait. « Tu vas voir. » Ils prennent le galop et en 5 minutes arrivent devant cette demeure sommairement décrite par Jean. Devant la grande porte, accourt une belle métisse attirée par le bruit de la course, les clameurs effarées des volailles, les abois des chiens, mis en déroute par les chevaux. Joey voit la femme qui regarde curieusement les deux jeunes gens. Il saute à terre et se jette à son cou en criant. « Mama, c'est moi, ton fils !» « Ton petit José, oh mama !»« Santa Virgen, c'est toi, muchacho mio. Je suis folle de te revoir. Que tu es beau, que tu es grand. Encore, que je t'embrasse encore. » Le fils et la mère s'étreignent à plein bras, à pleine poitrine, se tapotent dans le dos, multiplient les palmitas, et Jean contemple attendri ce bonheur qui lui rend plus cruel, la perte de ses joies qu'il ne goûtera jamais. Il quitte lentement sa selle, et Joey, le prenant par la main, dit à la métisse « Mère, celui-là est Jean, le fameux rastréador, Juan de Hierro. Il m'a sauvé la vie, il est mon frère d'adoption, tu l'aimeras comme ton fils. » Elle le regarde longuement, fixement, à le dévisager, puis elle lève les bras, pâlit jusqu'aux lèvres et pousse un cri déchirant. « Tonio, tu es Tonio Valdés. Oh, je te reconnais bien. Tu es l'enfant de la sainte qui a tant aimé, de la martyre qui a tant souffert. Tu as ses yeux, ses chers yeux si beaux et si doux, qui ont tant pleuré. Sa bouche, qui n'a plus jamais connu le sourire. Oui, tu es Tonio. De l'homme, du vaillant qui fut ton père, du noble soldat, tu as la malprestance, la force, l'audace. Tonio, c'est toi, mon Tonio, l'enfant de ma tendresse. Mi muchacho, toi aussi, car je t'ai nourri de mon lait. » Un travail lent et douloureux s'est fait dans l'esprit du jeune homme. Déjà, il a reconnu la maison qu'il croyait n'avoir jamais vue. À présent, il reconnaît cette voix qui lui crie toute la tendresse perdue depuis 18 années. Il reconnaît cette femme qui lui tend les bras. Le petit mot d'amour enfantin qu'il donnait à sa nourrice revient sur ses lèvres. Il bégaye, d'une voix brisée par l'émotion, « Mamita, c'est toi, petite maman. Oh, Mamita !» Il se jette, éperdu, dans ses bras. Et lui, le plus terrible batailleur de tout le désert, lui, l'homme de fer, éclate en sanglots, et des ruisseaux de larmes jaillissent de ses yeux. Il peut enfin ajouter d'une voix hachée, « Et maman, mon autre mère, ma petite mère chérie, celle que tu as tant aimée, elle est morte dans mes bras, tuée par la douleur. Un an après que le sale Théodore reste survolé. Mais tu n'es plus seul, mon Tonio. Viens dans cette maison, qui est toujours la tienne. Viens, mon enfant, nous parlerons d'elle, nous parlerons de lui, ses chers disparus, qui revivent en toi. Viens entre ton frère et ta mamita. »